La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Ils sont nos plus proches cousins dans leur règne animal et nous aimons à rappeler qu'entre le chimpanzé et l'homme, il n'y a qu'1,23% de différence entre nos génomes. Et pourtant, malgré notre parenté, il suffit de comparer un singe et un homme pour s'apercevoir que ce qui nous distingue est très important. Dans « Singe toi-même », un livre qui paraît aux éditions Odile Jacob, le neurobiologiste Alain Prochian remet les points sur les i en rappelant ce qui nous différencie vraiment des autres primates, depuis le langage jusqu'au cerveau, en passant par notre héritage culturel. Alain Prochian est mon invité dans un instant. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Une affaire de très vieilles dents aujourd'hui à la une de la science. Et oui, en se basant sur l'analyse de centaines de dents, une chercheuse espagnole propose une nouvelle date de séparation entre les lignées humaines et néandertaliennes. Une date de moins 800 000 ans qui fait débat et dont on discute dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format de France 5 avec aujourd'hui un documentaire sur les coulisses de la science météorologique. Frédéric Milano réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Alain Prochian. Bonjour. Bienvenue, vous publiez Singe toi-même chez Odile Jacob. Vous n'allez pas vous faire que des amis avec ce livre qui précise, donc je le disais tout à l'heure, les différences finalement qui nous séparent de nos cousins primates. Alors où justement, on le remarque, on essaie de plus en plus d'atténuer les frontières entre l'homme et les autres animaux autour de la question du statut précisément des animaux. C'était un moment important pour vous de repréciser les choses ? Oui, parce que les opinions sont une chose, les décisions qui découlent de ces opinions en sont une autre, mais il faut que les faits aussi trouvent leur chemin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de savoir pourquoi. Et je crois qu'à un moment donné, les faits qui sont aujourd'hui établis, qui peuvent encore évoluer, parce que les connaissances scientifiques sont forcément évolutives, sont à mettre à la disposition du public pour qu'il puisse forger son opinion. Ce sont les questions idéologiques, justement, sur la question animale qui vous ont fait réagir beaucoup, là, ces derniers temps ? Oui, en fait, toutes les discussions autour de l'antispécisme m'ont fait réagir pas mal, c'est vrai. Non pas que je n'aime pas les animaux, non pas que je ne pense pas qu'on puisse donner des droits aux animaux, en tout cas, s'imposer nous-mêmes des devoirs vis-à-vis des animaux, je pense que c'est une bonne chose. Mais simplement, objectivement, ne pas abolir l'évolution, parce que c'est quand même l'histoire des espèces qui nous met à une certaine distance, en même temps qu'elle nous rapproche. Oui, c'est ça, vous dites, il y a les deux, il y a la proximité et la distance entre les primates. Nous sommes des primates. Moi, je suis darwinien, je suis matérialiste, je suis un singe. Dans le titre « singe toi-même », il y a d'ailleurs cette ambiguïté. Nous sommes des singes, mais nous ne sommes pas des singes comme les autres, parce que nous n'avons pas la même histoire évolutive. C'est-à-dire, c'est même pas une question de hiérarchie entre les espèces. Les singes, les chimpanzés et nous-mêmes et les bonobos, qui sont pas la même chose que les chimpanzés, se sont séparés des hominines il y a 6 à 8 millions d'années. Entre-temps, chacun a divergé de son côté, ce qui fait qu'au bout de 16 millions, 8 plus 8, eh bien, ce ne sont pas les mêmes espèces. Voilà. Ouais. On va explorer ces différences justement ensemble dans un instant, parce que c'est important de voir à la lumière de ces animaux aujourd'hui qui nous entourent, les bonobos, les chimpanzés par exemple, ce qui fait réellement la différence avec Homo sapiens, notre espèce. Vous êtes notre invité Alain Prochian dans un instant et dans la tête au carré. Et notre ancêtre commun avec Néandertal est-il plus vieux que prévu ? Eh bien, c'est ce que propose une paléontologue espagnole et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Oui Mathieu, en comparant les très nombreuses dents néandertaliennes découvertes dans la grotte de Cima de los Huesos au nord de l'Espagne, avec des dents humaines, la chercheuse Aida Gómez Robles propose de faire reculer cette date de séparation entre les deux groupes de presque 400 000 ans. Notre ancêtre commun avec Néandertal aurait donc foulé la Terre il y a 800 000 ans, une nouvelle date qui fait débat depuis la parution de l'étude la semaine dernière, et nous discutons avec vous, Sandrine Prat, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléoanthropologue au Musée de l'Homme dans l'unité Histoire naturelle de l'Homme préhistorique et vous êtes spécialisée dans l'étude des dents fossilisées. Tout d'abord, que pensez-vous de cette méthode de datation exclusivement dentaire de l'ancêtre commun proposée par cette chercheuse ? Vous faites partie des convaincus par l'étude ? Oui, plutôt, parce que c'est une étude très intéressante d'Aïda Gomez, car elle utilise pour la première fois la forme des dents pour estimer une date de divergence entre deux espèces. Donc ici, c'est les Néandertaliens et les hommes modernes. Et c'est vrai que souvent, on utilise plutôt les données génétiques pour faire ce type d'estimation. Donc c'est intéressant d'utiliser un nouveau cadre, donc les dents dans ce cas-ci. Alors pourquoi est-ce que l'étude est très critiquée depuis la semaine dernière et sa parution? Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre. Alors les critiques, elles vont par au fait que l'auteur considère que le rythme d'évolution est identique chez toutes les espèces de la lignée humaine pour les dents. Donc Aïda se base sur ses propres travaux qui ont montré cela, en effet, qu'il y avait un taux constant au cours de l'évolution pour au niveau des dents en tous les cas. Et Sandrine Prat, justement, une dent d'Homo sapiens, si on regarde sur un temps très très long, est-ce que c'est exactement la même ou est-ce qu'on va trouver justement beaucoup de différences? Alors les dents d'Homo sapiens, en fait, rentrent quand même dans la variabilité des hommes actuels. Donc il y a une variabilité qui peut être assez forte, mais il n'y a pas de grande distinction, on va dire, entre les premiers Homo sapiens et nous. En revanche, il y a des distinctions entre les dents de Néandertaliens et nos dents. Ça, c'est... Alors quelles sont les différences principales entre une dent typiquement néandertalienne et une dent typiquement sapiens? Alors les dents néandertaliennes, par exemple, ont ce qu'on appelle les incisives en pelle, ce qui fait que vous avez une concavité à l'intérieur. Donc les incisives, c'est les dents antérieures. Il y a d'autres caractères également sur les molaires chez les néandertaliens qu'on n'a pas chez les hommes modernes. Est-ce qu'on a le même nombre de racines, par exemple? Pour les racines, il y a une petite variabilité, mais globalement, il n'y a pas forcément de grandes différences. Ça va être plutôt pour d'autres taxons, on a des différences entre nombre de racines de prémolaires notamment, et ce qui était notamment mis en avant sur l'Usonensis il y a quelques semaines. Alors là, cette chercheuse propose de faire reculer de 200 à 400 000 ans la date de séparation entre les deux groupes. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça changerait dans l'histoire de la lignée humaine? Alors c'est 400 000 ans au maximum, on va dire. Donc là, ça fait une date de divergence, donc avant 800 000 ans, ce qui implique que les Homo heidelbergensis, qui étaient considérés comme les candidats probables des ancêtres communs des Néandertaliens et des hommes modernes, ne soient plus ce candidat potentiel, puisqu'ils sont légèrement postérieurs à 800 000 ans. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on a des squelettes qui sont antérieurs à cette date et qui sont sapiens entre 600 et 500 000 ans et qu'on faudrait reclasser maintenant? Non, je ne pense pas. Hein. Sincèrement, malheureusement, on a très peu de matériel avant 800 000 ans. Oui. On a une petite lacune paléontologique, on va dire, entre 800 000 ans et au-dessus d'un million d'années. Donc c'est assez difficile, mais il y a quand même des caractères qui sont vraiment différents des Homo sapiens dans le peu de restes que l'on a dans notre registre fossile. Alors Sandrine Prat, beaucoup d'espèces ou de groupes ont été découverts grâce à des dents. Certains ne sont d'ailleurs aujourd'hui connus que par leurs dents. Une dent, c'est mieux qu'un os quand on la trouve? Alors c'est pas forcément mieux, mais en fin de compte c'est l'élément qui se conserve le plus. Donc c'est l'élément qu'on va retrouver le plus sur le terrain, notamment en Afrique par exemple. Et c'est des indicateurs de pas mal de dimensions. Donc on va pouvoir déterminer souvent l'espèce à qui elle appartient. Également, c'est des indications sur le régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer ce qu'on appelle des analyses isotopiques et on va pouvoir déterminer quel type de plantes ou d'animaux ayant mangé ces plantes les hominines avaient ingéré, notamment si c'est des graminées, des feuilles, des fleurs, des feuilles. Également, on va pouvoir étudier ce qu'on appelle les micro-usures dentaires, donc c'est les petites stries que vous avez à la surface des dents. Et donc ça va pouvoir nous dire si l'individu a ingéré plutôt des aliments durs, tendres ou abrasifs. Et donc ça, peu de temps avant sa mort. Alors dans votre labo, vous voyez passer des dents bien plus vieilles que celles dont on parle avec ce débat-là entre Néandertal et Sapiens. Grossièrement, comment est-ce qu'elles ont évolué, nos dents, depuis plusieurs millions d'années, entre les premiers représentants de la lignée humaine et nous aujourd'hui? Donc, globalement, on a quand même une réduction de taille, notamment des molaires. Après, si on regarde une période plus spécifique, autour de 2 millions d'années, vous avez plusieurs espèces qui ont coexisté, notamment en Afrique, les paranthropes et les premiers hommes. Et là, on voit vraiment de grandes distinctions morphologiques entre ces groupes. Et le critère, c'est quoi? C'est le régime alimentaire toujours qui conditionne? Pas forcément, parce que là, dans le cas donc les paranthropes et les premiers hommes, donc on se rend compte qu'en effet, leur morphologie est différente, mais il est fort probable qu'ils aient quand même eu un régime alimentaire assez proche. Donc, en fait, la forme de la dent va plutôt vous indiquer ce qu'ils sont capables de manger, plutôt que ce qu'ils mangent réellement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de coupler différents types d'analyses pour voir ce qu'ils ont été capables. Donc, peut-être des sources de nourriture de repli, quand la nourriture préférentielle n'était pas là, et voir ce qu'ils ont réellement mangé au cours de leur vie. On a toujours eu 32 dents. Oui, on a eu toujours eu 32 dents comme tout primate, parce que nous sommes des primates, comme ça a été rappelé. Ok. Est-ce que justement, en regardant chez ces ancêtres plus vieux et en appliquant par exemple la méthode qui est proposée par cette chercheuse, on pourrait pas valider ou non la proposition ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes points de croisement dans la lignée si on fait redescendre le modèle plus bas dans le temps ? Ben là, c'est vrai que ça serait intéressant de mettre un peu plus d'espèces dans le modèle et d'aller sur des espèces un peu plus anciennes. Et ça permettrait en effet de pouvoir voir la datation de divergence par rapport aux premières espèces de la lignée humaine. Donc le premier plus ancien spécimen, c'est 2,8 millions. Et également des divergences entre les paranthropes et notre lignée et d'autres divergences. C'est vrai que ça donne plein de perspectives, ce type d'analyse, et donc peut-être modéliser sur d'autres fossiles et d'autres périodes, où les données génétiques ne sont pas disponibles du tout, là, pour le coup. Oui. Pour vous, et pour généraliser, comment on explique aujourd'hui, du coup, la différence entre les deux modèles? Quand on applique la génétique, on trouve moins 400 000, et là, on trouve moins 800 000. Il faut un autre modèle pour pouvoir trancher, ou comment on va faire? Je pense que la base, c'est que sans doute les changements génétiques et morphologiques, il y a peut-être des rythmes différents. Je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir trancher. Je pense que c'est deux modèles complémentaires. Donc après, il faut qu'il y ait des discussions entre les différentes disciplines pour pouvoir voir comment on peut mettre tout ça dans le même schéma. Mmh. Mais il n'y a pas forcément une antinomie entre les deux types d'analyses. En tout cas, c'est la science en pleine discussion là, l'an prochain. Encore un exemple de plus. Oui, c'est fascinant. Je trouve ça incroyablement intéressant. Toutes les questions de datation, de toute façon, en paléoanthropologie, sont déterminantes. Vous voyez comment Jean-Jacques Hublin, récemment, a fait reculer l'âge de Sapiens de 100 000 ans. Oui. Si la séparation avec Néandertal est plus ancienne, ça laisse encore de la marge pour Sapiens pour vieillir. C'est ça. Est-ce que vous avez étudié les dents de singes d'ailleurs pour les comparer? Non, malheureusement, je suis plutôt du côté de la biologie moléculaire et de la génétique. Allez, merci beaucoup en tout cas Sandrine Prat. Vous êtes paléoanthropologue au Musée de l'Homme dans cette unité Histoire naturelle de l'Homme préhistorique. Merci pour cet éclairage et puis Axel, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Allez, dans un instant, singe toi-même, c'est Alain Prochian qui publie ce livre chez Odile Jacob. De la Lito, c'était Mélissa Lavaux à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Où les singes construisent les cités, fixent les lois et les divinités. Possèdent les armes pour chasser les êtres humains terrifiés et traqués au fond des jungles. L'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout. Voilà un extrait de La Planète des Singes pour ouvrir notre discussion avec Alain Prochian, notre invité dans La Tête au Carré cet après-midi, chercheur en neurobiologie, professeur au Collège de France, où vous êtes titulaire de la chaire des processus morphogénétiques et administrateur de ce même Collège de France, avec ce livre donc qui paraît chez Odile Jacob, Singe toi-même. Je signale aux auditeurs que l'émission est aujourd'hui enregistrée. La Planète des Singes à l'instant, Alain Prochian, finalement c'est presque toute l'histoire que vous nous racontez, sauf que c'est nous qui avons pris le pouvoir, Homo sapiens, dans l'histoire évolutive. Non, oui, mais nous sommes des singes. Oui. Donc cette planète existe déjà, c'est la Terre où les singes ont pris le pouvoir. Mais c'est des singes humains. Ouais. Pourquoi voilà. Les chimpanzés n'ont pas pris le pouvoir, justement? Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette histoire, alors? Ouais, les chimpanzés ont pris le pouvoir dans leur biotope, qui diminue, de toute façon. Donc c'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'évolution. Depuis la séparation entre les deux lignées, celle qui va vers les pannes, Paniscus, Pantroglodytes, les bonobos, les chimpanzés, et puis la lignée des hominines. Donc 16 millions d'évolutions, 8 plus 8, bien, il s'est passé des choses sur le plan génétique, c'est-à-dire qu'il y a eu des mutations dans les deux sens, et ces mutations nous ont écartés. Il se trouve que les mutations chez Sapiens ont donné plus d'importance à des structures cérébrales extrêmement développées, ont ralenti le développement, ont permis un apprentissage plus fort, ont fait de nous des êtres dont les capacités cognitives sont sans commune mesure avec celles des chimpanzés. Je suis désolé d'avoir à le dire. Ouais, c'est ça, parce que c'est une question qui est très discutée aujourd'hui encore. Au moment d'ailleurs où on découvre que les capacités des animaux sont très nombreuses aussi, on parle beaucoup de l'intelligence animale chez de nombreuses espèces, les éthologues nous le montrent régulièrement. Donc on a l'impression finalement que les frontières s'effacent. Or, vous êtes là pour nous dire que non, il y a toujours ces frontières entre l'homme et... Les frontières, elles sont dans les deux sens. Il ne s'agit pas de nier l'intelligence animale. Je suis darwinien, donc en fait, il y a une évolution des sentiments, une évolution de l'expression des émotions, comme disait Darwin, une évolution des processus cognitifs. Mais il y a quand même une évolution, ce qui fait que ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des choses que font les chimpanzés que nous serions incapables de faire. Mais il se trouve que, pour des raisons probablement aléatoires, qui ont à voir avec l'espèce humaine elle-même, eh bien, les capacités cognitives des sapiens, en particulier l'invention du langage symbolique, la capacité de se développer très tardivement après la naissance pour apprendre à interagir avec les autres sapiens et avec le monde d'une façon générale, ont été chez nous, nous ont rendu quasiment à nature. C'est-à-dire que nous sommes des animaux, mais en même temps, nous ne sommes plus vraiment des animaux. C'est un truc être et ne pas naître, pas être un animal. Voilà la question. On va en reparler avec vous, parce que c'est notre position dans la nature, dans l'arbre buissonnant du vivant, parce que de plus en plus, on voit que finalement, l'homme est une espèce comme une autre, mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, au fond. Je pense que l'homme est une espèce comme une autre, mais on dirait une espèce complètement différente de toutes les autres. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est, en tant qu'elle est une espèce animale, qu'elle procède d'un processus évolutif sans fin, sans finalité, elle est les humains sont des animaux, mais ils ne sont pas des animaux comme les autres. Mais c'est pas... Au fond, si on était totalement juriste, on dirait qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mais il se trouve que notre cerveau nous a donné sur la nature une possibilité d'action et de modification qui est sans commune mesure avec celle des autres espèces. Il faut quand même voir que nous étions il y a 300, 400, 500 000 ans. On sera plus tard. Homo sapiens, là, vous parlez d'Homo sapiens. Oui, vous repoussez loin les frontières. Pour le moment, c'est 300 000, officiellement. Oui, mais... 300 000, mais jusqu'à la frontière, la séparation avec Néandertal, peut-être Heidelberg, je ne sais pas, mais il y a une possibilité de reculer. C'est le moment où la séparation s'est faite, on ne peut plus reculer. Donc, en fait, la possibilité théorique de recul, elle est jusqu'à l'embranchement, d'une certaine façon. Donc, nous étions à la naissance de l'espèce, 10 ou 20 000 sapiens, quelque part en Afrique. Ben, aujourd'hui, 200 000, 300 000 ans plus tard, ce sont 7 milliards d'individus qui ont envahi 70% quand même de la Terre et qui ont mis quand même 2 sapiens sur la Lune. Aucun autre singe ne l'a fait. Même plus, hein. Il y en a eu plus que 2 d'ailleurs, puisqu'il y a eu d'autres missions après. Mais c'est vrai que les 2 premiers ont marqué les esprits. Oui, ils ont marqué les esprits, mais c'était il n'y a pas tellement longtemps. Donc, ça dit quoi au fond, Alain Prochain ? Ça dit quelque chose de notre succès évolutif par rapport aux autres espèces de primates d'abord, hein ? Avec succès évolutif, on verra plus tard. Parce que c'est en même temps une modification de notre capacité de modification de la nature, je dirais, qui peut nous emmener vers la fin de l'humanité. C'est-à-dire que ça peut être une espèce très brève, c'est-à-dire une espèce tragique, d'une certaine façon, née il y a 300 000 ans et peut-être morte dans 10 000, 20 000, 40 000 ans. C'est vrai qu'à l'échelle de la vie, les échelles sont importantes, c'est pas grand-chose. À l'échelle des autres espèces, c'est très peu. Mais en même temps, une fulgurance incroyable, une véritable espèce tragique. Donc je dis pas que c'est quelque chose qui est positif du point de vue de l'espèce. Mais c'est quand même... un succès évolutif sur la période entre il y a moins 300 000 et aujourd'hui, qui est du jamais vu dans aucune histoire. Et ça, c'est lié à nos capacités cognitives et de manipulation des objets symboliques. Quand on se préoccupe justement aujourd'hui de l'état de la planète, d'ailleurs Alain Prochain, finalement on se préoccupe plutôt du sort d'Homo sapiens, parce que la nature elle-même s'en sortira toujours beaucoup mieux que nous, non ? Oui, mais il y a une dimension... C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. On est en train de comprendre... que la Terre, c'est un petit caillou de rien du tout, perdu dans un univers immense, qui tourne à 100 000 km/h autour du Soleil, à 2000 km/h autour de son axe, et que nous, on est là sur ce petit truc. Alors évidemment, la nature nous apparaît comme une sorte de jardin, c'est-à-dire que c'est devenu un truc à préserver. On a pris conscience de la petitesse de la chose. Et donc, il y a cette dimension qui apparaît, qui fait que Sapiens doit absolument conserver cette chose. Mais... si Sapiens disparaît, eh bien, ça continuera. Je veux dire, la nature continuera à évoluer jusqu'à l'explosion du système solaire dans 3 milliards d'années. Oui, donc nous, notre intérêt en tant qu'espèce, et là, c'est vraiment un intérêt de lutte des espèces, de façon de compétition entre espèces. Notre intérêt en tant qu'espèce, c'est de créer sur la Terre des conditions à la fois de biodiversité, de préservation d'espèces, qui font que nous pourrons, nous, Sapiens, continuer le plus longtemps possible. C'est pas du tout au nom de la nature, c'est au nom de Sapiens, bien entendu, oui. Alors, cette capacité qu'on a aussi à détruire la planète, et avoir donc une certaine domination sur le vivant, est-ce que ça nous fait sortir pour autant de la nature, Alain Prochain ? Oui et non. C'est-à-dire que notre cerveau est le résultat d'une évolution, donc en fait, c'est une évolution naturelle, c'est l'évolution naturelle des espèces. Et en même temps, nous sommes devenus des animaux techniques, des animaux sociaux, extrêmement sociaux et surtout très techniques, qui font que nous avons cette capacité consciente, c'est ça qui est important, consciente de modifier la nature. Et c'est cette capacité consciente et réfléchie de modifier la nature qui pourra nous permettre d'échapper. Si nous mettons en jeu les connaissances scientifiques et mettons en place la capacité de réflexion prévoir ce qui va se passer si ça continue comme ça dans les 30, 40, 50, 100 ans, j'en sais rien, pour prendre les mesures aujourd'hui nécessaires pour parer à ce qui pourrait être inéluctable si nous n'avions pas un cerveau de sapiens. Donc c'est à la fois, il y a un principe assez contradictoire dans les deux choses, c'est grâce à notre cerveau que nous sommes arrivés là, et c'est grâce à lui que nous pourrons nous en sortir. Ou que nous détruisons d'ailleurs. Bien entendu, oui, mais ça c'est une question politique essentiellement. Alors justement, ce cerveau humain par rapport aux autres primates, il est aussi très intéressant à observer parce qu'il présente aussi quelques différences importantes. Alors même que d'ailleurs vous nous rappelez que le chimpanzé et Homo sapiens font quasiment le même poids, si on nous enlève de quelques graisses. On arrive à 40 kilos, c'est oui, ça. Oui, environ 40 kilos de poids sec. Oui. Et pourtant le cerveau est très différent. Oui, vous savez, il y a une espèce de il est différent à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de règle chez les primates qui fait que la taille du cerveau, ou la surface du cortex, ou le poids du cerveau, est proportionnelle à celle du corps. Or, les chimpanzés, c'est 400-500 cm3, Sapiens, c'est entre 1300 et 1500 cm3. Donc, pour la même poids sec, ce qui veut dire que nous avons ce que j'appelle souvent les 900 cm3 de trop. Et donc déjà, sur le plan quantitatif, c'est énorme. Hein. Si vous voulez ramener ça au 1,23% dont vous parliez tout à l'heure de différence génétique... Entre chimpanzés et homo sapiens. C'est une différence de 400%, là. Ouais. Vous voyez, donc, ça veut dire l'importance de ces mutations qui sont arrivées. Et puis, le pire, c'est que c'est pas n'importe où que ça a grandi. Ça a grandi dans les régions qui sont le plus... Ça a diminué dans les régions, par exemple, cortex visuel, cortex olfactif, et ça a augmenté dans les régions qui sont liées aux relations sociales, aux cognitifs, aux linguistiques, donc probablement beaucoup plus que 400%. Et ça, c'est quelque chose de... Ben oui, ça nous a fait sortir de la nature au sens où il n'y a plus de nature. Hein. Il n'y a plus de nature, ça n'existe pas la nature, c'est un fantasme. Bon, c'est quoi alors? Ben, promenez-vous. Hein, il y a encore quelques forêts vierges comme ça, un petit peu sur la Terre. Il y a des fonds marins qui n'ont pas été explorés, mais je ne sais pas où vous voyez la nature. La nature est maintenant quelque chose qui a été extraordinairement modifié par l'activité de Sapiens. Hein. Ouais. L'anthropocène, c'est pas faux. Hein. Ce sont justement les impacts des activités humaines sur, sur la nature. Hein. C'est ce qui caractérise cette nouvelle ère qui n'a pas encore été appelée comme ça, mais en tout cas qu'on définit comme étant celle justement où l'homme a particulièrement marqué la géologie. Allez, on se retrouve dans un instant, Alain Prochian, suite de notre discussion dans La Tête au Carré. C'était Tamino. La Tête au Carré. Sur France Inter. On sait que les hommes modernes, quand on les compare à d'autres espèces de primates, ce sont des êtres qui se développent très lentement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre génome, quelque part, qui fait qu'on a, au fur et à mesure de notre évolution, ralenti notre développement. Ça nous donne beaucoup de temps pour fabriquer un cerveau très complexe. comme on développe une grande partie du cerveau après la naissance, eh bien, ce cerveau, justement, il va être soumis à tout ce processus de maturation, de complexification. Et le bénéfice, c'est qu'on a du temps pour apprendre beaucoup de choses et pour apprendre des choses très compliquées. Voilà, c'était la voix du paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin, Alain Prochian, à l'origine d'une découverte importante, hein, celle du plus ancien Homo sapiens, au Maroc précisément, et donc une datation qui a reculé, puisque maintenant on sait que Homo sapiens vivait déjà il y a 300 000 ans en Afrique. Et puis cette notion abordée ici par Jean-Jacques Hublin, qui est extrêmement importante et centrale aussi dans votre ouvrage, hein, c'est sur la façon dont Homo sapiens s'est développé avec la néoténie. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Comment il faut comprendre sur plan, ça? Sur le plan de la définition classique de la néoténie, c'est la capacité de se reproduire, alors qu'on a encore de nombreux traits qui sont des traits embryonnaires. Mais en l'occurrence, dans l'affaire Sapiens, c'est qu'il naît avec un cerveau qui fait 10% du poids du cerveau adulte, contrairement à un chimpanzé qui naît avec 60% de son poids adulte. Et donc, une grande partie du développement, et ça c'est pour des raisons presque obstétriques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Et ce qui fait qu'une grande partie du développement du cortex, en particulier, se fait dans les périodes postnatales. Or, la construction d'un cerveau, c'est pas uniquement quelque chose de génétique. C'est aussi quelque chose qui se fait en réponse à l'environnement. Donc, si vous développez votre cerveau dans un environnement riche, il y a des périodes qu'on appelle les périodes critiques du développement, qui sont des périodes circonscrites dans le temps, pendant lesquelles vous modifiez votre cerveau en fonction de ce que vous apprenez de l'environnement social et de l'environnement culturel. De ce fait, ce développement postérieur hors de l'utérus de Sapiens fait que ces périodes d'apprentissage sont les périodes pendant lesquelles il est soumis à une information absolument extraordinaire. Et de ce fait, cela construit son cerveau de façon extraordinaire. Donc ça donne et une capacité... Chez Homo sapiens, ça prend beaucoup de temps, justement. Énormément de temps. Si vous voulez, la construction du cerveau chez Sapiens, pour ce qui est des régions les plus frontales du cortex, se termine vers une vingtaine d'années, quand même. Ouais. Pas mal. Ouais. Alors ça continue évidemment après, puisqu'on apprend tout au long de sa vie, et puis on le sait aujourd'hui, avec des neurones aussi qui se régénèrent, même jusqu'à un âge très très avancé. Ben oui, mais ce qu'on appelle la plasticité ne s'arrête jamais. Il y a des périodes où elle est quand même beaucoup plus importante, parce qu'on a beaucoup plus à apprendre. Je vous apprendrai rien en vous disant qu'un môme de 3 ans, il va apprendre une langue étrangère avec beaucoup plus de facilité qu'un homme ou une femme d'une vingtaine d'années, même 20 ans. Donc oui, on apprend toujours, on peut toujours apprendre, mais il y a des périodes où le cerveau est d'une telle plasticité, est tellement capable de répondre au milieu environnant qu'il va absorber ça comme une éponge. N'importe qui a vu un môme grandir le sait, quoi. Chez les chimpanzés en particulier, ça se passe pas du tout de la même manière. Ça se passe de la même manière, mais c'est sur une période beaucoup plus courte, et pour des régions du cerveau qui sont pas les mêmes que les nôtres. C'est-à-dire que les périodes critiques de développement ne sont pas les mêmes pour toutes les fonctions. On apprend à voir avec une vision binoculaire plutôt qu'on apprend à la musique, ou il y a plein de choses ou surtout les fonctions cognitives. Donc, ou les fonctions qui sont liées à la maturation sexuelle adulte, qui arrive quand même à la puberté. Donc, il y a toutes sortes de fonctions qui sont plus tardives chez l'homme, qui sont liées à ces interactions cognitives que chez le chimpanzé. Et sur une période plus longue. Donc, on a un cerveau beaucoup plus riche, entre guillemets. Mais il ne s'agit pas non plus de faire des hiérarchies. Beaucoup plus riche que celui d'un chimpanzé. Mais j'ai rien quand on est chimpanzé. Ouais. Simplement, je suis un sapiens. Ouais. Enfin, vous leur rendez hommage, hein, et aux bonobos aussi en particulier. Mais à toutes les espèces. Ouais. Je parle aussi des corbeaux, etc. C'est très intéressant de voir toute cette culture animale. Ouais. Mais enfin, la brindille à termites, c'est pas la chapelle Sixtine. Excusez-moi, c'est pas pareil. C'est ça. Ça, c'est justement, c'est le singe qui est capable de faire ça. Enfin, le chimpanzé, d'utiliser cette brindille pour quoi? Ça dépend, il y a des cultures chimpanzés, c'est-à-dire des chimpanzés de différentes régions, dans la mesure où ils ont le même fond génétique, on peut l'imaginer encore qu'il peut y avoir de la spéciation en cours. Ouais. Si dans un endroit très particulier, ils sont capables d'utiliser un outil très particulier, on peut dire que ça c'est de la culture. Un petit peu comme les Écossais sont différents des Anglais, si vous voulez. Ouais. Donc, mais ce sont des cultures qui restent quand même... ça évolue pas très vite. Hein. Chez Sapiens, justement parce qu'il y a eu une culture très forte qui permet à chaque génération de démarrer d'où la génération précédente l'a laissé, alors c'est cumulatif, c'est extraordinaire. On parlait des sapiens sur la Lune en 69, puisqu'on va fêter le 50e anniversaire. Et ben, il faut savoir quand même que 60 ans avant, Les avions, ils montaient à 1 mètre, ils faisaient 100 mètres, ils se cassaient la figure. Vous vous rendez compte du bond évolutif, c'est prodigieux. Mmh. Donc, et ça, c'est lié justement à la capacité cumulative d'apprentissage, ouais, et de passage à la génération suivante. Et chez aucune espèce animale, on ne trouve finalement des fulgurances comme ça. Pas à ce point-là. Ouais. Pas à ce point-là, on le saurait. Ouais. Si on avait trouvé des chimpanzés sur la Lune, on les aurait vus. Oui, sauf que du coup, ce livre, il est là aussi pour le rappeler quand même. Comme quoi, on tend à oublier cela, Alain Prochian. Et l'antispécisme, pour vous, c'est l'ennemi à combattre alors ? Moi, j'ai pas d'ennemi. Je pense que dans l'antispécisme, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui pensent qu'il faut donner des droits aux animaux. S'imposer des devoirs. Aux animaux. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on peut s'imposer des devoirs vis-à-vis des animaux. Mais je pense que les animaux n'ont pas de droits de nature. Donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit naturel, ça n'existe pas. Ouais. Donc le droit, c'est quelque chose qui est construit par ceux qui font le droit, c'est-à-dire les humains. Mmh. Donc qu'on s'impose des devoirs vis-à-vis des animaux, parfait, j'ai rien contre, à condition que ça ne nous empêche pas Sapiens de progresser dans certains domaines, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'utiliser les animaux, etc. pour, par exemple, pour la recherche médicale. Ouais. Ça, aujourd'hui, c'est encore. Vous pensez qu'on peut absolument pas s'en passer aujourd'hui ? Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. Par contre, on a des outils quand même pour essayer d'éviter au maximum de provoquer des souffrances. Bien sûr qu'il faut au maximum éviter la souffrance. Mais ça, c'est autre chose. On peut parler de l'histoire de la recherche médicale à un autre moment, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on peut pas s'en passer pour des raisons que je pourrais vous expliquer, mais je n'ai pas le temps. Donc, mais pour les antispécistes, il y a ça. Mais ça, c'est respectable. Mais il y a des gens qui pensent que la lutte aujourd'hui pour faire respecter ce qu'ils appellent les droits des animaux est du même nature. Et c'est là que l'antispécisme est construit sur antiracisme, de même nature que la lutte pour les droits des femmes, les droits des noirs, les droits des. Vous dites c'est pas possible ça. Là, je dis non seulement c'est pas possible, mais c'est scandaleux. Pourquoi ? Parce que pour moi, si vous voulez, une grenouille, un chimpanzé, un canard. Ce n'est pas un sapiens. Voilà, je pense que ce sont même des propos assez racistes d'une certaine façon. Et ça, je trouve qu'on ne devrait pas laisser passer ça. Hein. J'ai lu des textes, je ne vais pas donner le nom de la personne, mais qui comparait, si vous voulez, les wagons ou les trains dans lesquels on fait transporter les poulets aux trains qui emmenaient les Juifs à Auschwitz. C'est quand même, excusez-moi, totalement insupportable. Voilà. Donc, on peut s'imposer des devoirs vis-à-vis des animaux, on peut essayer d'éviter la souffrance animale, mais sapiens, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est même dangereux de ne pas voir ça. Parce que c'est, quand on a voulu faire des examinations de masse chez sapiens, on les a toujours abêtisés, au sens propre du terme. On a dit, on les a traités comme des animaux. Donc je crois que cette distinction, elle est absolument essentielle pour conserver un respect de l'espèce humaine et éviter évidemment des dérapages épouvantables comme on en a connu et qu'on continue d'en connaître dans l'histoire de l'humanité. Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous n'allez pas vous faire que des amis avec cet ouvrage, parce que c'est exactement ce genre de débat aujourd'hui qui crispe beaucoup la société. Mais moi, je ne suis pas crispé du tout. Je pense que les gens peuvent lire. Ils peuvent voir les arguments, ils peuvent être d'accord, ne pas être d'accord, mais je pense qu'on peut pas dire, par exemple, qu'il y a 1,23% de différence entre l'homme et le chimpanzé, sans avoir compris ce que ça voulait dire. Alors, on va y revenir justement dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute un court extrait d'une chanson sur l'antispécisme. Tu passes toute ta vie à défendre l'animal, et dans le journal on te traite de radical. Tu tractes sans repos dans les couloirs du métro, les gens ne s'arrêtent pas, tu fais le premier pas. Tu voudrais abolir ce système moral, impossible de percer dans son gilet pare-balles. Tu voudrais donner les yeux à la justice, impossible de changer cette femme pleine de vie. Voilà, trust, antisocial, antispécisme, voilà, pour avoir quelques souvenirs. C'était Crazy Air, Alain Prochian. Ces fameux 1,23%, parce qu'on dit toujours, voilà, le chimpanzé, homo sapiens, ça se ressemble beaucoup, il y a très peu de différence au niveau de l'ADN. Bah pourtant, ces 1,23%, ils font toute la différence, mais ça veut dire quoi exactement ? Ils ne font pas toute la différence. D'abord, simplement, sur le plan génétique, ça c'est les mutations ponctuelles. Une base nucléotidique transformée en une autre base nucléotidique. Donc, mais il y a aussi les délétions, des grands morceaux qui sautent, il y a aussi des duplications, et puis il y a aussi tous ces éléments mobiles qui ont en fait permis l'évolution des espèces, qui sont très importantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des morceaux d'ADN qui se transforment en ARN, puis en ADN, puis qui vont se mettre ailleurs. Donc tout ça, c'est pas pris en compte là-dedans. Donc si vous voulez prendre tout ça en compte, disons que vous aimeriez 5 à 6%. Ouais. Mais même ça, vous n'êtes pas 94% bonobo, même si ça vous ferait plaisir. Parce que c'est l'endroit, ce qui est important, c'est l'endroit où ça tombe. Hein, c'est comme la bombe de l'oncle de Boris Vian. Si ça tombe dans un endroit qui est décisif, par exemple, pour réguler la taille du cerveau, même si c'est quelques nucléotides, ça va être fondamental. Votre cerveau, il fait 2% du poids du corps. Hein, votre bras, il doit faire à peu près 10% du poids du corps, j'en sais rien. Si on vous retire le cerveau, ça n'a pas le même effet que si on vous retire l'avant-bras. Hein, excusez-moi. Donc, ces espèces de trucs purement quantitatifs, cette évaluation n'a pas de sens. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, les résultats que ça a, quand ça tombe ici, quand ça tombe là, etc. Et ça, c'est tout le travail des gens qui font de la génétique de l'évolution. Et là, il y a tout, vraiment, il y a tous les détails, hein, justement, sur cette question. Il n'y a pas tous les détails, parce que c'est déjà assez comme ça, mais je dirais qu'il y a des exemples précis de pourquoi, même si c'est 1,23%, ça peut avoir des conséquences qui amènent à 400% d'augmentation de la taille du cerveau, par exemple. Et donc de la différence entre des primates non humains comme le chimpanzé et le bonobo et Homo sapiens. Oui, et puis tous les animaux, c'est l'évolution, c'est magnifique quand même. On n'a pas eu le temps de parler du langage articulé, mais évidemment, c'est une question absolument cruciale que vous abordez. Oui, encore faut-il avoir quelque chose à dire. C'est une chose d'avoir les capacités linguistiques, il faut aussi avoir le cortex qui va avec. Ça s'appelle Singe toi-même, c'est chez Odile Jacob, et vous signez cet ouvrage Alain Prochian. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi au micro de La Tête au Carré. Merci à vous. La science grand format, en partenariat avec France 5. Et ce soir, Science Grand Format, 20h50, nous partons dans les coulisses de la science météorologique avec le film L'Aventure Météo, réalisé par Stéphane Bégoin. Bonjour Valérie Habitat. Bonjour. Bienvenue. Mathieu. Bienvenue, vous êtes la productrice de ce film qui va donc nous donner un accès assez inédit aux scientifiques et à leurs recherches. Et oui, parce que la météorologie est une science assez méconnue et pour autant assez unique, puisque elle ne produit que des prévisions, jamais de certitude, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans le film. Et produire des prévisions, ça veut dire qu'il faut alimenter des modèles avec énormément de données pour que ces modèles sortent des scénarios les plus probables possibles, tout en limitant l'incertitude. Mmh. Donc c'est un sacré travail. Alors la météo, justement, tout le monde l'écoute à la radio en particulier, la regarde à la télévision ou sur le portable, mais ce qu'on sait moins, c'est que depuis quelques années, les météorologues déploient des efforts scientifiques et technologiques sans précédent, justement pour tenter d'améliorer ces prévisions. Oui, c'est ça. C'est une course à la prévision, et donc les recherches se multiplient dans plein de domaines. Alors, le spatial, cette année, on a eu deux lancements de satellites, METOP, qui est un satellite en basse orbite, qui permet d'avoir des mesures de plus grande précision que les satellites géostationnaires qu'on avait avant. Et puis en août 2018 a été lancé Aeolus, qui a pour mission de collecter des mesures sur les vents. Et ça, c'est inédit, c'est nouveau. Même la NASA n'a pas réussi à mettre au point un tel satellite. On investit également en Arctique. On a suivi une campagne maritime et aérienne dans cette région polaire, parce que c'est la région où ont lieu les dépressions et les tempêtes, de manière à comprendre comment se forment les courants marins. Hein, puis l'Arctique, bon, on connaît, c'est là que le réchauffement climatique est le plus visible, et on se dit qu'il faut collecter des données plus précises pour les injecter dans les modèles. Mais il n'y a pas que ces recherches, il y a aussi des phénomènes qui restent inconnus, comme les éclairs, comme les nuages ou comme les vagues. Et donc on a suivi tous ces chercheurs. On va écouter d'ailleurs Florence Rabier, qui est directrice générale du Centre européen pour les prévisions à moyen terme, extrait de ce documentaire. On pourrait penser que quand on fait de la prévision météo, il suffit de prévoir l'atmosphère et que l'évolution de l'atmosphère, ça suffit. Or, l'atmosphère, elle interagit avec tout ce qu'il y a autour d'elle, c'est-à-dire la Terre, l'océan, la glace de mer, même les petites particules d'ozone ou d'aérosol dans l'atmosphère. Et tout ça, c'est pas très bien pris en compte pour l'instant dans nos modèles. Donc nous poussons ce concept de couplage, d'interaction entre les différentes composantes de ce que l'on appelle notre système Terre. Voilà Valérie Habitat, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec l'aventure Absolument. Météo. Absolument, ouais. Et ce sera à 20h50 sur France 5, dans la case Science Grand Format, voilà, dans les coulisses de la météo. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt.